C'est quoi si tu te prends pour un fou, moi je suis le boss de l'asile. C'est quoi ton crew, c'est pas un coup, c'est la bande à Basile. C'est quoi, je m'en branle de ton avis. Ouais, je m'en branle de où t'habites, donc je m'en branle de ta vie. Et puis je m'en branle de ta ville. C'est quoi, va dire à tous tes potes que je les emmerde. Amène ta mère et je la ferai tourner à l'apéro avec un verre. Si je fais une scène avec ta gueule, me passe pas le micro. C'est quoi, j'aurais trop peur de me salir ou de pécho. Des microbes, t'as l'air d'un con et ça me fait chier. Parce que ça gâche mon pays. C'est la misère là où tu vis, parce que c'est là où tu vis. C'est quoi, des oisifs, y'en a trop. Putain, ça se voit sur ma paye. Tu veux un taf et de l'oseille. Va à l'école, je te rappelle. C'est quoi, tu veux tailler? Va, ramène un gun, j'ai mes faces. T'auras qu'à tirer une balle, parce que quand je l'ouvre, tu l'écrases. Tu veux du gore, petit PD, alors je rappe comme un porc. Je vais en voir crever à mes pieds. Ouais, ma pitié, c'est ma porte. C'est quoi, dis-le à ta maman. Si je suis trop hardcore, je lui ferai un gosse pour qu'elle ait encore plus de thunes sans effort. C'est quoi le RAP? J'encule depuis mon premier album. C'est quoi le rap? C'est pas pour moi, 48ème album. C'est quoi le peu rap? C'est né dans la street, il paraît. J'ai tout écrit en cours, mon peu rap, c'est du lourd, mec. J'ai pas l'attitude, tant mieux. Check mon c'est l'habitude, 49 degrés nord à l'altitude. C'est quoi le 0 de ses morts, comme le 13 ou le 9 de personne me dit que j'ai tort. Écoute, personne me teste, les gangstas je déteste, font de la peine. Si t'as pas compris, j'écris comme eux, juste pour amplifier ma haine. C'est quoi, j'aurai toujours ma verve. Quand tu seras dans la merde, tu viendras sucer ma verre, je viendrai grailler ma gerbe. Tu peux sonner l'alerte, SX, ouais, j'ai rien à perdre, à part une vie entourée de connards que j'emmerde. C'est quoi si tu te prends pour un fou, moi je suis le boss de la zone. C'est quoi ton coup, c'est pas un coup, c'est la bande à Basile. C'est quoi, je m'en prends de ton avis. Moi je m'en prends de où t'habites, donc je m'en prends de ta vie et puis je m'en prends de ta ville. C'est quoi si tu te prends pour un fou, moi je suis le boss de l'asile. C'est quoi ton coup, c'est pas un coup, c'est la bande à Basile. C'est quoi, je m'en prends de ton avis. Moi je m'en prends de où t'habites, donc je m'en prends de ta vie et puis je m'en prends de ta ville.